بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثرهم فما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد تمام كنا أخذنا الناقد الرابع لكتخي من يلتيف من نواقد الإسلام وقال فيه رحمه الله تعالى وبيتو سيكوا الكتخي من ناقد من نواقد الإسلام C'est celui qui pense qu'une voie est meilleure que celle, de celle, que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naham. Ou équivalente. Naham. Ou qui pense que son jugement, il y a un autre jugement est meilleur que le sien. Qui est meilleur que le sien. Et je crois qu'il y a un troisième point. Non, c'est ça. Al-Musawa, Al-Tafdil. Tamam. Al-Musawa, Al-Tafdil. Ou bien carrément qui yataqid anna ghayra. Il y a une autre guidée. Tamam. Tout cela, ça fait partie des nawaqid de l'islam. Tout cela annule l'attestation, le témoignage que le prophète, c'est l'envoyé d'Allah. Que le prophète, c'est Nabi Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est il doit le suivre, yani uniquement. Comme il adore Allah uniquement, il doit suivre uniquement le prophète, sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam. Fa'idha i'taqada. Il a une conviction qu'on peut suivre un autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ba'da yani bayan al-hujja, parce que dans ce zaman là avec le madhahib, ça a fait des dégâts. Donc il y a beaucoup de da'awam qui n'ont pas de connaissances par rapport à cela. Ils pensent qu'il faut suivre un madhahib muayyan, que tu dois suivre le shafi'i, ceci cela, yani hawla, c'est des juhal. Il faut leur montrer, tu vois, ba'da al-bayan, lorsqu'il a compris qu'il faut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam, s'il dit al-an, j'ai compris, après cela il n'y a plus d'excuses. Après il y a une différence entre le fait de prendre la compréhension de l'imam Shafi'i pour comprendre la guidée du prophète sallam, c'est-à-dire que j'ai la conviction qu'il faut suivre le prophète sallam, lakin je prends aide des kutub de Shafi'iya ou bien de Hanabila pour comprendre, pour mieux comprendre comment adorer le prophète sallam. Yani ça c'est une autre chose. Là, on parle d'une personne qui a une conviction qu'on peut suivre un autre que le prophète sallam, qu'on peut délaisser la guidée du prophète sallam et prendre une guidée autre que celle du prophète sallam. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Mais celui qui sait qu'il faut qu'on doit suivre le prophète sallam, lakin, comme on a dit, pour mieux comprendre l'islam, ils prennent ces couteaux-là pour mieux comprendre, yani, la religion comme ils prétendent. Fahada, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Si jamais la parole de Shafi'i elle est conforme à la parole du prophète sallam, alhamdoulilah. Si jamais elle n'est pas conforme, il doit la délaisser, comme il a dit Shafi'i, comme il a dit Ahmed, comme il a dit Abu Hanifa hatta, wa al-Imam Malik. Ils ont tous enjoint de délaisser leur parole si jamais elle était en contradiction avec la guidée du prophète sallam. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est du ta'assoub. Non, c'est une autre histoire. Là, qui nous parle de celui qui a la conviction aqida. Fahada, ka'annahu shahida, anna ghayra Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan. C'est comme s'il avait attesté de la prophétie d'un autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait pu évoquer كَذَلِكَ مِنَ الْأَدِلَّ عَلَى ذَلِكَ que النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. Si jamais Moussa, alors que c'est un Nabi, si jamais Moussa était vivant, il n'aurait pas eu autre choix que de me suivre. وَهَذَا الْحَدِيثِ يَنِي فِي الصَّحِيحِ. Ça nous montre vraiment qu'en dehors de Moussa, qui est l'un des meilleurs des messagers, hatta yani ذكر العلماء tam qui vient après Ibrahim, لأن قال العلماء ترتيبهم في المعراج, leur hiérarchie yani dans le miraj, c'est la même que dans le fadl, dans le mérite. Enfin, Moussa, ça, il fait partie des plus grands des anbiya, et malgré cela, si jamais il aurait été à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait été obligé de suivre le prophète malgré que c'est un nabi. Donc que dire des personnes qui sont en dehors de Moussa, de prendre une personne en dehors de Moussa et de le suivre. Moussa, il n'aurait même pas eu le choix de suivre autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naham. Afan Abdullah, est-ce que tu as dit, est-ce que j'ai bien compris, yani par rapport au ta'assub, oui, naham, ça rentre pas dans celui qui a une conviction qu'on peut suivre un autre. Voilà, c'est-à-dire ashab al-madhahib, si jamais tu leur demandes qui il faut suivre, Ils vont te dire, il faut suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Laquelle ils vont dire, il y a beaucoup de divergences dans l'islam. Donc il y en a dans le fiqh, pour avoir la... Moi je pense que la meilleure des compréhensions de l'islam, de la guidée par laquelle est venu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'on doit suivre, je vois que la meilleure des compréhensions, c'est celle des Shafi'iyah, mathalan, il va dire. Tu vois? Ou d'autres, il va dire, mathalan, il ne va pas dire que je suis Shafi'i. Lakin, il dit, je m'aide, des livres de Shafi'i, de la compréhension de Shafi'i, pour suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, ça ne rentre pas dedans. Lakin, cette personne-là, lorsque la parole de Shafi'i, elle est en contradiction avec la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas-là, il doit délaisser la parole de Shafi'i. C'est là que ça rentre dans ta'assoub. Si jamais il délaisse pas la parole de Shafi'i après que, il sait que il est en erreur. Il y a un imam Shafi'i dans ce sujet-là, dans un sujet parmi les sujets, et il le suit. Il continue à le suivre. Ça s'appelle du taqlid, suivi aveugle. Ça, c'est une autre histoire. Lakin, celui qui dit Shafi'i, il faut le suivre. Il le prend comme Nabi. Il le suit dans tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Ah, là, c'est une autre histoire. Ça, ça rentre dans Naqid min Nawaqid al-Islam. Naqid min Nawaqid al-Islam. Après, on avait pu évoquer certains des fawaid qui étaient en relation avec le hukm bighayri manzillah. Parce que ça revient à ça. De délaisser la guidée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de juger par un autre tribunal. C'est de juger par un autre suivi. Et ça, ça rentre dans le hukm bighayri ma anzillah. On avait évoqué que si jamais une personne a la forte conviction que l'islam, c'est la religion de la vérité, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Nabi qu'il faut suivre. Malgré cela, il juge par un jugement qui est autre que l'islam, ou bien par une guidée qui est autre que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en approuvant que ce qu'il fait ne fait pas partie de l'islam. Et ce qu'il fait partie des péchés, là qu'il y trouve des prétextes. On est dans un zaman où on ne peut que faire comme cela. Ils se mettent des darourah à eux-mêmes, des nécessités à eux-mêmes. Et ils jugent par cette loi-là, c'est par cette loi qui est autre que celle de l'islam. Quel est le jugement de cette personne-là? Est-ce que c'est ici que ça dépend de si ce qu'il fait, ça sort de l'islam ou pas? Ça dépend en fait. Des péchés parmi les péchés, il y en a, on ne dit pas, c'est un kafir. On ne dit pas, c'est du kufr ce qu'il fait. Ok. Mais s'il fait, par exemple, quelque chose, il impose aux gens une loi ou quelque chose qui. Il y en a qui fait sortir l'islam, comme le fait, par exemple, il impose à son peuple d'adorer les tombes ou des choses comme ça. Oui. Alors là, à ce moment-là, c'est du kufr. Ahsanta, adahawa, c'est ça le tafsil. C'est-à-dire que même si jamais il a la forte conviction que l'islam, c'est la religion de vérité, on regarde ce qu'il fait à Valen. Quel est son jugement? Si son jugement implique la sortie de l'islam, c'est un annulatif, comme les exemples qu'on a pu citer. Là, quoi qu'il en soit, même si jamais son intention, elle est on ne va pas dire bonne, mais elle n'est pas mauvaise, dans le sens où il reconnaît que l'islam, c'est la vraie religion, ça c'est pas suffisant. Voilà, ça ne va pas lui être profitable. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait, cet acte-là, on n'a même pas besoin de regarder dans le cœur. Et qu'est-ce qu'il pense? Cet acte-là fait sortir l'islam. Lakin, si jamais cet acte-là ne fait pas sortir l'islam, فهذا, ça rentre dans la ayah. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Donc il rentrera dans le fisc qui ne fait pas sortir l'islam, ou bien dans le zulm qui ne fait pas sortir l'islam, ou bien dans le kufr qui ne fait pas sortir l'islam, ala hasab, selon la loi sur laquelle il aura jugé. Naham. فهذا هو الصحيح. والدليل, c'est qu'il n'y a pas de dalil qui montre que un péché en dehors de l'islam, si jamais il est fait sans les situations qu'on a pu évoquer, al-istihlal wal-juhud wat-tabdil wat-takdhib, les situations dans lesquelles c'est muttafaq alayhi qui est un kafir, il n'y a aucun dalil qui prouve que cette personne-là est sortie de l'islam. Et comme on a pu voir, l'imam Ibn Abdelbar, il a évoqué l'ijma' des ulama que celui qui fait une désobéissance, qui est en dehors du kufr, que cela c'est du dhulm, l'ijma'. C'est un dhulm, c'est une injustice, laquelle ça ne fait pas partie des choses dans lesquelles ça le fait sortir de l'islam. Donc, l'ijma'. Il faut trouver un dalil qui nous fasse comprendre que ça c'est du kufr. Kadhalika, comme on a pu évoquer, même si jamais il le fait, il y en a plusieurs fois, il s'entête dedans. Il sait que c'est un péché, lakin il s'entête. Il s'entête et il s'entête jusqu'à ce qu'il meure. Kadhalika, on juge par cette personne-là que c'est un grand désobéissant. Pourquoi? Parce qu'il a fait beaucoup de désobéissances. Lakin, le fait de multiplier une désobéissance ne rend pas la désobéissance, il y en a une mécréance. C'est faux ça, le fait de penser ça. Comme l'a évoqué certains des ulama, comme Salah al-Sheikh, comme on a pu évoquer dans son kitab Tawhid, Al-Tamhid. Et il a suivi dans cela son grand-père qui est Mohammed, Ibn Ibrahim rahimahullah ta'ala, il a une risala dans, je ne sais plus comment ça s'appelle, Al-Qawanin. Une petite risala dans laquelle il a des aqwal dans lesquels yani c'est pas trop en conformité avec la voie des salafs. Yani il a fait une erreur. Et son petit-fils qui est salah al-Sheikh, il l'a suivi. Et c'est faux de dire ça. C'est faux de dire ça. Ça c'est un peu la khulasa. Qala rahimahullah ta'ala. Qala al-Khamis. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. Il dit رحمه الله تعالى le cinquième ناقد من نواقد الإسلام من أبغض شيئا, celui qui déteste une chose, donc ça englobe yani toutes les choses, مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, du siwak jusqu'à la plus grande des choses, tout ce qu'il est venu avec le prophète عليه الصلاة والسلام, et qui est connu que ça fait partie de la ibadah, d'une chose qu'Allah Azzawajal aime et agrée. Si jamais il déteste cette chose-là, walou amila bih, même si jamais il applique, مثلاً السواك, يتسواك, il utilise le siwak, lakin yubriduhu, il déteste. Il déteste yani ce jugement-là. Il déteste yani ce précepte-là qui est السواك. فهذا, même si jamais il utilise le siwak, لا ينفعه. C'est du kufr billah Azzawajal. Détester une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien son prophète alayhi salatu wasalam a légiféré comme étant ibadah, comme étant un dîn, comme étant une religion, comme étant une guidée, tout cela ça fait partie du kufr yani billahi azza wa jal. Tout cela ça fait partie du kufr billahi azza wa jal. Naam. Wa qayyadna bi shay, c'est mimma ajaba bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasalam. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wasalam il a dit beaucoup de choses, il a fait beaucoup de choses. Lakin, ce qui est voulu par les paroles et les actes, ou bien la guidée sur laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la guidée pour l'ibadah. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parmi les actes qu'il a fait, parmi les choses qu'il a fait, yani fi hadith dunya, mesalan, lorsque mesalan, il avait l'habitude d'ouvrir son kamis jusqu'au dernier bouton. Hada al-an, est-ce qu'il a fait النبي صلى الله عليه وسلم pour une ibadah, en recherchant l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, là. Yani bilhada, lorsqu'il fait chaud, yani, tu te déboutonnes. Ça fait pas partie des choses yani religieuses. النبي صلى الله عليه وسلم, il dormait, ça c'était une chose que labud damin. Enfin, les choses qui est labud damin, qui font pas partie de l'islam, que le prophète alayhi salatu wasalam a fait, si jamais il le déteste, ça rentre pas dedans. S'il déteste yani ouvrir son kamis jusqu'au dernier bouton, il déteste cela, on peut pas dire que Bartlofik yani, il est sorti de l'islam, parce que ça fait pas partie de l'islam. Là qui est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait. Donc ça montre que c'est jaiz. C'est autorisé. Ma fille mushkila, c'est autorisé. Là qui s'il aime pas, on peut pas dire que là elle kharaja jamais l'islam. Pourquoi? Parce que c'est pas une chose qui fait partie de l'islam. Fil haqiqa, c'est autorisé, tamam. Là qui ça fait pas partie des ibadat. Et celui qui le fait, c'est-à-dire il déboutonne son kamis jusqu'au dernier bouton, si jamais il le fait par amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que pour lui c'est le meilleur des exemples, c'est-à-dire dans tout ce qu'il fait, que ce soit les choses qui soient wajiba, les choses qui soient mustahabba, les choses qui soient yani muharrama, les choses qui sont barlovik makruha, ou bien les choses qui sont mubaha. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'était le meilleur exemple dans toutes les choses. Dunyawiya, qui soient les... Il y a des affaires mondaines ou bien des affaires qui soient religieuses. Donc s'il veut être conforme au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous les traits, dans tous les aspects, فهذا il est ma'jour. Il a une récompense par rapport à cela. Pas parce que cela fait partie de l'islam, yani cela est une ibada, parce qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam un bon exemple à suivre. Et ça, c'est dans toute chose. Et ça, c'est dans toute chose. Yani, il sera récompensé, comme me disent les ulama, bita assi. Parce qu'il aura voulu, yani, ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aura la récompense par rapport à ça, non pas par le fait que c'est une ibada. Donc, il faut bien faire la distinction, la différence entre les choses qui sont les affaires religieuses et les choses qui sont mubaha, qui sont autorisées, nakin, qui ne font pas partie de la religion. Comme cet exemple-là, le fait de se déboutonner, le fait de dormir, le fait de manger, le fait de marcher, beaucoup de choses yani, qu'il a fait que ça ne fait pas partie de... Hatta ils ont évoqué les ulama que l'imama, tamam. Ils ont dit l'imama, le fait de la porter, ils disent que ça ne fait pas partie de la sunna parce que c'est une ada chez les arabes. C'est une coutume chez les arabes et un nabi sur son Bouissa, il a été envoyé dans un peuple qui mettait l'imama. Lakin, alhamdoulilah, c'est djaïd de la porter. C'est djaïd de la porter. Tamizan, tu te distingues des kuffars yani, par rapport à cela. Et mahabbatan li haoula al-lazina naqaluddin, les arabes. Naqaluddin al-din, mahabbatan li haoula al-salihin. تتأسى بهم لا بس به نعم لكن العمامة لبسها certains vont évoquer que ça fait pas partie de la sunna نعم لكن سمينا الجمال فأبغض شيئا مما جاء به أي ما كان من العبادات parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam ils ont légiféré si jamais ils détestent cela même si jamais ils l'appliquent C'est du kufr billah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu ala zalika lam yadhkuruhu huwa shaykh rahimahullah. Wa daliluhu qawlu subhanahu wa ta'ala zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Zalika bi annahum karihu ma anzalallah. Parce qu'ils ont détesté ce qu'Allah azza wa jal a fait descendre et ce qu'Allah azza wa jal a légiféré. Fa qala fa ahbata a'malahum. Leurs œuvres ont été quoi? Annulées. Et là, al-hubut huna c'est le kulli, c'est-à-dire que c'est une ridda, c'est un acte d'apostasie. Fahada huwa dalil ladhi yadul ala annahum min al-kufr et aller dans sourate Muhammad, numéro 9. Donc ça fait partie de la ridda. Lakin là, il faut savoir une chose. Abghada shay'an, comme on a dit, une chose qui a été légiférée. Mathalan al-jihadu fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah. قد قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم le qital c'est-à-dire le jihad il vous a été légiféré et c'est une chose que vous détestez c'est qu'est-ce qui a été voulu par وهو كره لكم يعني c'est une chose que vous haïssez que vous détestez c'est pas le jihad fi sabilillah celui qui déteste le fait que le jihad fi sabilillah il a été légiféré هذا كفر بالله ردة لكن ce qui déteste يعني c'est les choses qui vont en suivre C'est-à-dire qu'il va perdre ses amis, c'est une tristesse. Il va perdre un de ses amis, ou bien Bartlofikarni, ses biens vont être détruits, sa maison va être détruite. Certains des mashaïkh, ils vont partir. Il n'aime pas être blessé, tu vois. Il croit qu'il fait sa bilillah, lakin, il n'aime pas être blessé. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Parce que ça fait mal, et ce n'est pas une chose qui yula imuhu, qui lui correspond. Lakin al-an. Yani le fait qu'il déteste, c'est pas par rapport au fait que le djihad a été légiféré. Lakin les choses qui en suivent. Les choses qui en suivent, comme le qatl, comme al-jurh, les blessures et l'akhirihi. Fahada huwa kurhun lahum. C'est pas le djihad au fisabilillah. C'est pas le djihad au fisabilillah. Fa, les choses, comment? C'est lié à la peur naturelle, quoi. De voilà. Derrière. Voilà, derrière. Tu vois. La peur naturelle, ou bien les choses que naturellement tu aimes pas. Comme être blessé, comme perdre ton fils, comme perdre ta femme, comme perdre Yani. Qu'on emprisonne ta femme, tu vois. Ça, c'est pas une chose qu'il va y aimer, c'est clair et net. Donc, c'est des choses qui sont liées. C'est des choses qui sont liées au djihad. Fi sabilillahi azza wa jal. Lakin, la bouda mina sabr. Amahu yasbir. Wa yarda bi qada illa subhanahu wa ta'ala. Et il agrée le jugement d'Allah azza wa jal et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qaddar Allahumma shafahal. Inna amrahu kullahu lahu khair. Quoi qu'il en soit, le mu'min, son affaire, elle est bonne. Il patiente dans la dureté. Et il est reconnaissant dans la facilité. Lakin, c'est clair et net que si jamais sa femme a été capturée, ses enfants ont été capturés, ils ont été décapités, c'est pas une chose qui va le faire sourire. C'est clair et net. Naam. Donc ça, c'est ce qui est voulu dans la ayah. C'est-à-dire que si jamais on déteste une chose, pas par rapport au fait qu'elle est légiférée, mais par rapport à ce qui est lié, comme tu as pu expliquer, mashallah, ça fait partie d'un dégoût qui est naturel. Ça rentre pas dans la ridda. Ça, c'est naturel. Par rapport à ça. Lakin, ce qui est voulu ici, c'est les choses qui ont été légiférées. Aslan ou faslan. Fahada kufrun billah. Par rapport à l'aya. Zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Ce dalil-là, il est suffisant, mashallah, il est court. Et il fait kitabillahi azza wa jal. Naam. Abdullah, est-ce que je peux te poser une question maintenant ou je mets à la fin? Faddal. Par rapport à ça. Vas-y. Parce que nous, chez nous, c'est très répandu qu'on que par exemple, il y a des, il y a des gens, il y en a. Par exemple, ils détestent le hiya, ils détestent sitar, tu vois. Ils détestent que tu mélanges pas ta femme avec eux, il y en a sous prétexte que c'est la famille qu'il y a, tu vois. Ah. Ils détestent ça, ils détestent, et il y en a, ils ont une haine envers ça, et il y en a, ils parlent sur toi, et t'as un flic, etc., tu vois. Et ça c'est lié à la base, hein. Allah alim, il y en a parmi leurs fiqhs. La base, c'est lié aux événements, par exemple, qu'il y a eu en Algérie, tu vois, les années 90. Ouais. Tu vois, on sait pas c'est qui, mais c'est des gens qui rentrent avec les hiyas dans les villages, ils égorgent les enfants, ils égorgent les familles, les gens ont été traumatisés par ça. Pour non. Hiyas, tout de suite, c'est synonyme, tu vois, c'est synonyme de terrorisme. De danger ou d'un dîn djadid ou d'un dîn dangereux, tu vois. Non. Est-ce que si là je fais, par exemple, la personne, je lui iqamate le hujja, je lui explique, etc., etc., l'obligation de l'ihya ou de l'asikar ou l'interdiction de l'irtilat, etc. Est-ce que je regarde d'où ça vient, sa haine qu'il a, ou alors pas après lui avoir mis iqamate le hujja, etc., patienter tout ça, et ça c'est du coup ce qu'ils font, rien. Après, iqamate le hujja, après que tu as bien expliqué qu'il faut faire la distinction entre la lahya qui a été légiférée et la lahya que portent les barbares, les terroristes, les personnes qui font les choses en mal. Si jamais il fait bien, tu le fais bien comprendre. Même, c'est pas le simple fait qu'il est convaincu, mais histoire que tu lui as bien fait comprendre la distinction entre les deux choses. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le meilleur des hommes, qu'Allah azzawajal a légiféré la lahya, qu'elle est wajiba ila akhirihi. Que la lahya en elle-même, c'est pas un mal, mais le mal, c'est celui qui la porte. Si jamais après cela, il continue à détester la barbe, là, c'est dangereux, il peut rentrer dans cette affaire-là. C'est-à-dire que là, L1, il est en train de détester la législation de la barbe. Parce que L1, tu lui dis, ce qu'Allah Azzawajal, il a fait, il a révélé, et il a légiféré, est-ce que c'est un mal ou un bien? Si jamais il dit un mal, ma'as-salam, c'est un kafir billah Azzawajal. Si il te dit c'est un bien, ce qu'Allah Azzawajal, il a légiféré, donc tu dis un bien qu'Allah Azzawajal a légiféré, on doit l'aimer ou pas? Si il te dit non, ma'as-salam, kadhalika. Si tu dis oui, tu dis donc elle aime la barbe, si jamais tu es d'accord avec moi qu'elle a été légiférée par Allah Azzawajal et c'est un bien et qu'on doit aimer ce qu'Allah Azzawajal a légiféré, pourquoi tu la détestes? Donc là il a plus de choix que d'aimer la barbe. Après, si jamais il la porte pas, bon, ça c'est notre histoire. Il peut dire oui, je sais, il déteste pas, il y en a le fait, mais lakin, il veut pas la porter. Bishahwa, bilhawa, tamam. Ça c'est notre histoire, ça c'est une marsia. Ah, celui qui a été. Ça c'est quoi vraiment qui sont répandus là, l'ihya? Ouais, ouais. Le fait que ta femme se couvre et que personne ne la voit et que elle est là, le fait que tu ne mélanges pas avec la famille, tout ça c'est des. Généralement ces gens-là c'est. Oui, oui, j'ai compris ça. Mais voilà, ils détestent pas par rapport à ce qui a été légiféré. Après, bon, c'est possible qu'on peut en trouver, hein. Mais c'est par rapport à ce qui est lié au hijab et ce qui est dit sur le hijab et ils ont honte, ils ont plus de force dans leur cœur pour être ferme dans leur religion, tu vois. Après, yani, si jamais t'es faible, sois faible, yani, avec toi-même, c'est tout, hein. Faut pas que ta faiblesse ait à se répondre et puis après tu dis voilà le hijab de manière générale, tu vois. Non, il faut faire une distinction, tu vois. C'est mahmakan, c'est khatir, tu vois, c'est khatir pour ceux qui disent ce genre de choses là c'est très khatir, c'est très très khatir. Et ça c'est le but, il y a des koufars, l'acharnement qu'ils ont vers ces préceptes là la barbe ou bien le hijab et l'akhiri, le but c'est ça, frère, ils ont fait une publicité à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, de Volvic avec Zidane. Il disait toujours le pied gauche avant, le pied gauche avant. Lorsque tu te chausses, il y en a toujours le pied gauche, le pied gauche. Eh, tu te rappelles? Donc, il y en a, rien n'est laissé à nous, au hasard, comme ils disent. Tout ça, c'est lié pour que tu détestes ta religion. Pour que tu détestes, il y en a les principes de ta religion. C'est une wasila ila ridda, c'est un intermédiaire. Tu vois, wanakhsha, ala hawla. N'aam. الله المستعان. وياك يا أخي. تام. قال رحمه الله تعالى قال من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه والدليل يعني كفر كما أندرس يا أخي وكفر. موجه كفر دنا واقد الإسلام. Qu'est-ce que t'as toi? Parce que moi j'ai menesté à Abishai Mindini, à Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, au thawabihi au iqabihi, ensuite j'ai dit wad-dalil. Au thawabihi au iqabihi kafara. Kafara, donc c'est ça, il y a une erreur, c'est bon. Donc qala man istahza'a bi shay'in min din ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam au thawabihi au iqabihi kafara. Qala wad-dalil qawluhu ta'ala wa la in sa'altahum ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآية واضحة جدا. الاستهزاء السخرية سلفت سموكي تمام. والسخرية في الدين ينقسم إلى قسمين, ينقسم إلى قسمين, قسم يعني بالقول وقسم بيش بالفعل. ينسخرية كي بالفعل, ينسخرية كي بالقول par l'acte, par la parole. Par l'acte, yani kama kana yaf'al haula al-kufar wa idha marru bihim yataghamazun. Lorsque les mu'minoun passaient devant eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des clins d'œil, yani pour rire de ces personnes-là et de la religion sur laquelle ils étaient. Wa idha marru bihim yataghamazun, ils parlaient pas. Tam, hada c'est min al-istihza lakin al-fi'li. Par l'acte. Tam, après inna al-a'mal bin-niyyat, c'est al-istihza qui est la moquerie qui est bil-fi'l, par le geste. Celle-ci, pour juger de la mécréance, ça demande vraiment de savoir yani que, quelle est la nature de ce fait-là, pourquoi il l'a fait. Après, il y a des actes, la shak wa la raïba fi, qui montrent yani, directement que c'est une soukhriya. Je n'ai pas d'exemple en tête comme ça, là. Non, je veux dire, yani, par exemple, yani, chez moi, yani, j'ai un oncle, un frère, mon père, et il a dit à mon père, yani, ton fils, on dirait un singe. Ton fils, on dirait un singe. Ah. Ça rentre, non? Il se moque clairement de... Non, parce que ça peut être rien, le fait qu'il se moque de ton apparence. Non, mais quoi, il y a par exemple. Parce que, il pourrait dire, il pourrait voir une autre personne avec la lahya, laquelle, qui d'apparence n'est pas d'un singe. Yani ça demande un peu un ta'akoud akthar. De savoir vraiment, si jamais il dit je dis ça parce que yani, par rapport à sa lihya, après la lihya, il faut savoir yani, l'aspect de la lihya. Il y a l'aspect de la lihya, il y a la lihya de manière générale, celle qu'Allah Azzawajal il a légiféré. Quelqu'un qui se moque de la lihya de quelqu'un, d'un autre, il se moque de sa lihya pas parce qu'Allah Azzawajal il l'a légiféré, parce que yani, مثلاً, elle pousse yani, bizarrement. مثلاً, il y avait un frère à Dammaj. D'un côté, la lahya ne poussait pas, et d'un côté, elle poussait. Subhanallah. Ta'wa na'am. Al-an, si une personne vient et a rigolé de ce frère-là, hafizahullah ta'ala, par rapport au fait que sa barbe pousse mal. Ta'wa. Ça, al-an, ça ne peut pas rentrer dans le fait qu'il a, il est en train de rigoler sur la barbe qu'Allah azawajal, il a légiférée. Parce que sur la barbe d'une autre personne, il ne va pas rigoler dessus. Yani, ça va, là, il va rigoler d'un aspect de la barbe. Yani, l'aspect yani, de la barbe sur cette personne-là. En fait, là, il est en train de rigoler de cette personne-là. Il est en train de rigoler de la lahya de cette personne-là. Amma la lahya du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une autre chose. On ne peut pas rigoler sur le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-sukhriya fi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est du kufr. Billah subhanahu wa ta'ala. La kin de cette personne-là, ça ne fait pas partie du kufr. La kin, ça c'est une kabira man la kabira. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala wa kafa bil marri ithman an yuhakkar akhal muslim. Le fait de mépriser son frère, et ça rentre dedans, le fait de se moquer de lui, tu vois. Il dit ça, c'est un péché qui est suffisant. Tahqir an al-muslim hada la yajuz. Al-muslim akhul muslim la yadhlimu. Ça fait partie de l'injustice. Lakin al-an, ça fait pas partie de ridda. Parce qu'il s'est pas moqué de la législation de la barbe. Ou bien il n'a pas détesté. Voilà. Il a détesté l'aspect de la barbe sur toi. Enfin, il a rigolé sur l'aspect de la barbe qui en est. Qui est apparente sur toi. Donc il est en train de rigoler sur toi, non pas de la barbe. Parce que sur une autre personne, il ne rigole pas de la barbe. Parce que la barbe, machallah, sur lui, elle est bien, tu vois. Donc ça, yani, ça demande yani, un ta'akoud, yani, akthar. Amma si jamais il dit que la barbe qu'Allah subhanahu wa ta'ala mathalan, a légiféré, ça fait de nous des singes, ça, c'est une sukhriya wadiha jiddan. Tout cela, ça fait partie du al-istihza, kama qala huna. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi. Kuntum tastahzi'un. Est-ce que c'est d'Allah, de ces ayats, c'est-à-dire le kitab? Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul 'ilm. Allah Azza wa Jalla il évoque, il appelle le Coran, l'a dit anzala 'ala nabi sallam ayah, parce que c'est une ayah qui montre yani, la, le miracle, yani, qui montre que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas d'autre. Donc le fait de rigoler d'une de ces trois choses-là, d'Allah, de son dîn ou bien du prophète, alayhi salam, ça fait partie de, du kufr. Pourquoi il a dit, la ta'taziru, qad kafartum, ba'da imanikum. C'est-à-dire que dans ce genre de contexte-là, on n'accepte pas les blagues yani, qui sont faites yani, sur Allah, ou bien son dîn, ou bien son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour faire passer le temps. Fa'ala la yajuz. الدين يعني قال سبحانه وتعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا إنه بخوني با لدين الله عز وجل كما مزمن فهذا لا يجوز تمام يدي نعم يعني je le pensais pas vraiment mais le fait qu'il l'a dit il est pas contraint il est pas jahil il a intentionné de dire cette parole là فالآن il a pas d'excuse فلك أن هذه الآية elle est descendue par rapport à طائفة من المنافقين الصحيح c'était des منافق حولا ceux qui ont dit ça. Lorsqu'ils ont dit ma ra'ayna yani min ha'ula arghabu butunan wa ajbana min liqa' al-adu, on n'a pas vu des personnes yani aussi ventreux que eux et aussi lâches yani lorsque c'est le moment de combattre. Wa kana yaqsud bidhalika an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabu, il visait par cela le prophète et ses compagnons. Fa as-sahabi alladhi nasit man kana, il est parti directement pour avertir le prophète alayhi as-salam. Et ça nous montre que yani une chose qui est en relation avec le dîn dans lequel il a une personne la méprise, tu vas directement voir qui? Wulatul Umur. Tu vas voir les batlofiques, les ulama, ou bien le qudha. Tu ne laisses pas l'affaire comme cela. Si jamais on est dans un pays, kihkum bima anza Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas les voir directement. Ulul Amr. Fa as-sahabi dhahab pour les informer. Lakin al-wahyi qad sabaqahum. Et il tenait le cheval du prophète sallam ou sa monture et il disait innama kunna nakhudu wa nal'ab, on n'était pas sérieux, on faisait que de s'amuser, nakhudu wa nal'ab naqta' at-tariq, c'était pour faire passer le temps. Fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répété la aya qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la tahtathiru, ne cherchez pas d'excuses, ne demandez pas d'excuses, il n'y a pas d'excuses par rapport à cela, vous n'avez pas d'excuses. Vous avez certes mécru ba'da imanikum. Est-ce que Hawla c'était des Sahaba ou bien est-ce que c'était des Munafiq? Comme a dit le Cheikh Salah al-Sheikh, que ces personnes-là c'était des Munafiq. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, juste avant, il évoque yani al-Munafiqun. Il dit yahdharu al-Munafiquna an tunazzal alayhim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. تام. يحذر المنافقين. يعني المنافق يخين. كالله سبحانه وتعالى fasse descendre une aya qui va évoquer les choses qui cachent dans leur cœur. فقال سبحانه وتعالى قل استهزئوا. Faites ce que vous voulez. Moquez-vous de la religion. Moquez-vous d'Allah. Moquez-vous du prophète صلى الله عليه وسلم. إن الله مخرج ما تحذرون. Les choses qui sont dans vos cœurs, يعني النفاق qui est dans votre cœur, la moquerie du dîn qui est dans votre cœur, Allah سبحانه وتعالى il va l'extraire de vos cœurs. Et vos membres vont œuvrer de la moquerie. قال ولا إن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. Et si jamais tu les demandes, et la إن سألتهم أي المنافقين, parce que là عز وجل il parle des munafiqun. Et si jamais tu leur demandes, yani, par rapport à l'acte qu'ils ont fait, qu'Allah عز وجل a fait extraire de leur cœur et qui est maintenant apparent dans leurs actes, قال لا إن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. Si jamais tu leur demandes, yani, pourquoi ils ont fait cela, ils vont dire qu'on faisait que de s'amuser et de yanina khoub bima'na, on voulait faire passer le temps. Qul billah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tathiru, c'est pas une excuse. Qad kafartum ba'da imanikum, ay al-iman que vous avez mis en apparence. C'est pour ça qu'il a dit, il a pas dit la ta'tathiru qad kafartum ba'da al-iman, vous avez mécru après la croyance. Lakin il a dit après votre croyance. Quelle est la croyance des munafiqs? C'est de mettre en apparence l'islam et de cacher le kufr. C'est pour ça qu'il a dit imanikum. Il n'a pas dit al-iman. Donc ça montre yani, que le qawl sahih, yani, que ces hawla c'était des munafiqs. C'était pas des. Lam yakun hawla min ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'était pas des as-sahaba. Naam. Hadha huwa sahih par rapport à l'aya. Pour revenir, on disait que al-istihza, tam yanqasim la qismain, ça peut être par l'acte, tam bil-fi'l, ou bil-qawl. Bil-qawl, comme dans cette aya-là. Bilqol, comme cette ayat là. Bilfi'l, je vais prendre un exemple qu'ils ont évoqué, le ulama. Fi khilaf, lakin, c'est un exemple qui me revient en tête là. la personne qui prie va te lever qui a son wudu. Il sait que le wudu c'est wajib et ça fait partie des choses qui sont ma'lum en ad-din, dont personne n'ignore. Al-an, il a prié sans wudu, il a fait exprès, il est conscient de son acte, il n'est pas fou, il n'est pas majnoun, il a toute sa raison, lakin il a fait cette œuvre là. Prier sans wudu. Al-an, on va lui dire, mais attends, prier sans wudu, tu sais que c'est ça rend caduque l'adoration. Donc pourquoi tu l'as fait? Il n'a pas d'autre réponse que al-istihza. Pour se moquer. Parce que le fait de faire ce genre d'acte-là, il n'y a aucune maslaha, aucun profit. Parce que certains ils disent, il y en a parmi Shafi'iyah, c'est comme celui qui fait zina. Qui sait que zina c'est haram, lakin il le fait. Donc il dit c'est un peu la même chose, c'est pas un kafir. Il dit lui aussi pareil, il sait que le wudu c'est haram mais il le fait. Lakin on dit, là il y a une différence. Parce que zina wara azalika maslaha yani, il voit qu'il y a un profit, il le fait, yani yatalazzaz yani, bil fahisha. Comme celui qui vole, il a un profit derrière cela, qui est quoi? De prendre l'argent afin d'acheter ou bien faire ceci, cela. Il a un profit dans ce qu'il veut faire, bil marsi. Amma celui-là, c'est quoi le jawab? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire cela? Que là, Bartlofik, la moquerie. C'est pour ça, wallah alam, yani, ça c'est un khilaf, yani. Lakin, c'est juste un exemple, yani, par rapport à la moquerie, yani, qui est fait par les gestes, yani, par les actes. Khilaf, bayna al-ulama, et al-ahnaf, il voit que ça c'est du kufr. Il dit ça, c'est de l'istirza, c'est de la moquerie, yani, fil islam. Et d'autres, ils voient que non, c'est pas de l'istirfaf. Lakin, wallahu alam, fi khilaf. Lakin, ce que je pense, moi, c'est que c'est du kufr, yani, comme l'on dit. Parce qu'il n'y a aucune réponse à cela que la moquerie, wallahu alam. C'est juste un exemple. Donc, yani, que ce soit ça ou ça, bil qawl ou bil fi'l, à partir du moment qu'on se moque d'une chose qui a été légiférée dans l'islam, on se moque d'Allah, on se moque du prophète, on se moque du din, fa kullu dhalika c'est une ridda. Allah Azza wa Jal قد نطق بذلك في كتابه قد كفرتم, vous avez certes mécru. Donc ça montre bien que c'est un naqid min nawaqid al-islam la shak wa la raib fi dhalika, il y a aucun doute sur cette masala là. Naam. Alors ce qu'il a dit au thawabi wa iqabi, c'est des exemples, yani quelle que soit la chose. Thawabi yani si il parle yani des récompenses dans l'islam, wa iqabihi des uqubat, comme celui qui se moque yani du fait qu'on doit couper la main à celui qui vole, ou bien qu'on doit lapider celui qui fait zina et qui a été marié, ou bien qu'on doit fouetter celui qui fait zina et qui n'a pas été marié. Il se moque de ces choses-là, il se dit, bah comment on entend yani, à notre époque, que c'est des choses yani qui n'ont pas lieu d'être, comme Tariq Ramadan, mathalan, lorsqu'il a dit, c'était plus quoi ce qu'il avait dit là, dans lapidation, ça demande un moratoire. Là, le Rajihi, là, il a hakama alayhi que c'est un kafir. Ça c'est chez Al-Rajihi. Al-Rajihi, n'am. Qala rahimahullah ta'ala, qala as-sabi'u as-sihr. Qala minhu as-sarf wal-atf. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Qala wad-dalil qawluhu ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Le septième annulatif, as-sihr, la sorcellerie. قال منه الصرف والعطف, c'est le fait de les séparer. قال منه الصرف أن كلاهما ينصرفون عن الآخرين, ils se séparent, ils se détestent, ils s'aimaient d'un seul coup avec cette sorcellerie qui a été faite sur eux, ils se détestent, ils sont distants les uns les autres. قال والعطف العكس, يعني tu fais aimer une personne بالغصب, بالغصب يعني tu fais qu'il s'aime alors qu'il s'aime pas. La quintus, tu utilises sur eux certains des sorcelleries ou bien des médicaments pour le rendre comme cela. Non, voilà, kathir, jiddan, Allah musta'an. Surtout chez nous, là, en Afrique, Allah musta'an. Même chez nous, oui. Oui, le Maroc et tout ça, là, Allah musta'an. Nasallahu alayhi wa sallam. Qala faman fa'alahu, celui qui le fait, aw radiya bihi, il le fait pas, lakin il agrée. Taman radiya bil kufr, fa huwa kufr. Mais un radia bel kufr, il doit détester les choses qu'Allah Azza, il déteste. Celui qui agrée la mécréance, c'est un mécréant. Qal subhanahu wa ta'ala, wa la yarda li ibadihi al kufr. Et Allah Azza wa Jal n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Donc ça, yani, c'est un rejet de cette ayah, le fait d'adorer, ou bien plutôt d'agréer la mécréance. Allah Azza ne n'agrée pas. N'agrée pas la mécréance. Donc comment une personne peut l'agréer? Qal wa dalil, qawluhu ta'ala, Là j'ai un autre. C'est quoi que tu as comme ayat toi? Parce que j'ai lu dans Nawaqid al-Islam et là j'ai wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi-Allah. C'est ça que tu as vu? Hein? C'est ça, non. Non. Ah, parce que j'ai lu dans Nawaqid al-Islam, donc je reviens sur ça. Qala wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi-Allah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Naam, هذه الآية كذلك montre كذلك برتوف يعني c'est la mécréance, lakin celle qu'il a évoquée dans Nawaqid al-Islam, dans son livre à lui, Cheikh al-Islam, il sait mieux. وما يعلمان من أحد أي السحر حتى يقول إنما نحن فتنة nous sommes qu'une tentation فلا تكفر. Allah عز وجل a descendu Marut wa Harut excepté يعني pour comme tentation, comme il a descendu Shaitan comme tentation, comme il a descendu Bartholomew Al-Mal par tentation. فمن استجاب للشيطان يضر نفسه, celui qui ne répond pas à Shaitan لا يضره بل سا ça va l'augmenter en foi et ça va l'élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une fitna. Allah Azza wa Jalla a descendu ces deux malaïka pour fitna, pour épreuve, pour éprouver ses ibad, pour voir celui qui va patienter et qui va s'écarter et celui qui va rentrer dans cette affaire-là. Mais ils ont dit ce qu'ils ont répondu, il dit on va vous apprendre, lakin celui qui apprend, c'est une mécréance. وَمَا يُعَلِّمَنَ مِنْ أَحَلٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Ne m'y crois pas. Ne sors pas de la religion. Ça montre que السحر, c'est quoi? C'est de la mécréance. السحر, pour revenir directement, السحر لغةً ساحرة, c'est une مادة تدل على الخفاء. Ça évoque une chose qui est dissimulée. وَمِنْ ذَلِكَ أَكْلَةُ السَّحَرْ, يعني السحور. السحور, c'est le repas qu'on prend, pour jeûner. Pourquoi ce repas-là il a été appelé sahur? Parce que c'est le repas qu'on prend fi waqt as-sahar. Il est dans les derniers tiers de la nuit. Et le dernier tiers de la nuit, c'est l'obscurité qui règne sur la nuit. C'est une nuit qui est vraiment obscure, dans laquelle on voit à peine les choses. C'est pour ça que le sihr il a été appelé sihra, parce que c'est fait de manière discrète. Bi khafa, c'est fait. Sahara, pourquoi? Parce que tadoul al khafa, ça c'est l'ouraten. Amma shara'an, al-sihr, beaucoup d'ulama ils ont essayé de donner une définition. Shara'an, au sihr. Et fil haqiqa, c'est difficile de donner une définition qui est générale pour le sihr. Parce que le sihr, il a beaucoup de catégories. فذلك قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى قال لا يمكن حده بحد مانع جامع لكثرة أنواعه المختلفة لا يتحقق قدر مشترك بينهما. فقال رحمه الله شيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان il dit c'est presque impossible de trouver une définition qui englobe le sihr, parce qu'il a beaucoup d'aspects et ces aspects-là ils sont مختلفين, sont différents. Donc c'est difficile de venir et de mettre une définition pour plusieurs aspects qui sont différents. C'est pour ça qu'il a dit, fil haqiqa, il n'y a pas un had. On ne peut pas trouver une définition. Celui qui va donner une définition, il va exclure d'autres aspects. Donc on ne peut pas trouver une définition qui réunit tous ces aspects-là. Lakin, qu'est-ce qu'on dit? On dit, as-sihru yanqasimu ila qismayn. As-sihr, il se divise en deux. Sihrun yakfur bihi sahibu, wa sihrun la yakfur bihi. Un sihr par lequel il va sortir de l'islam, et un autre par lequel il ne sortira pas de l'islam. Celui par lequel il va sortir de l'islam, c'est celui par lequel il sera yasta'in bihi, bi shayatin. Il prend l'aide pour cela auprès des shayatin. Et pour que le shayatin il l'aide, c'est obligé que cette personne-là takfur. Comme on a pu voir, min al-asbab, pour faire le sihr, il faut qu'il apprenne comment faire le sihr. Et ça, il peut le faire qu'avec la mécréance. C'est-à-dire que al-shaytan لا يعلمه هذه الأشياء أو لا ينفعه, il va pas être le profitable jusqu'à ce qu'il va être persuadé que cette personne-là est bien sortie de l'islam. كما قال العلماء, ils font des choses abominables, comme le fait de jeter le Coran dans les WC ou bien dans le piétiner ou bien prier sans tahara et l'akhiri, parmi des actes que lorsque Shaitan il va voir cela, il va dire c'est bon celui-là, il fait partie des nôtres. C'est clair, s'il arrive à ce stade-là, on peut lui rendre service, on peut lui apprendre le sihr, et lui être profitable yani pour tromper les gens avec la sorcellerie. Enfin, si jamais il ensorcelle les gens, et même si jamais yani, c'est un truc yani, مثلا, tariqa, yani, qui est sahla, مثلا, les jeux de cartes, là, la magie qu'ils font. De son manteau, il fait sortir un lapin. Si jamais il a fait sortir ce lapin-là par l'aide des shiatines, ça c'est du kufr. Billahi azawajal. Parce que هذا لا يجوز استعانة بهؤلاء الشياطين. هذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى. فسي جمع يستعين بالشياطين هذا كفر بالإجماع. Il n'y a pas de خلاف بين العلماء. هذا parce que il est obligé afin qu'on puisse afin qu'ils puissent les aider qu'ils sortent de l'islam. كما أشار إلى ذلك الله سبحانه وتعالى. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Les ulama, ils ont évoqué que cette ayah là, la 101e de sourate al-Baqarah, que ça c'est une muqaddima qui montre yani, comment la personne yani, peut utiliser les shayatin. Il est obligé de jeter kitab Allah subhanahu wa ta'ala. ولما جاءهم كتاب لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون واتبعوا et ensuite ils ont suivi ما تتلو الشياطين فايز ont dit les ulama qu'un sorcier celui qui utilise les shayatin ne peut devenir qu'un sorcier que si jamais il a fait des choses graves من نواقض الاسلام ومن ذلك يعني نبذ الكتاب le fait de jeter kitab Allah عز وجل et de le mépriser et de faire des choses abominables qu'on a pu citer. Donc ça montre que c'est un kufr par lui-même. Parce qu'il est obligé de passer par la mécréance. Pour que Shaitan ou les Shaitin, il aide. Il y en a dans le sihr. Et le deuxième kufr, plutôt le deuxième sihr, c'est celui la yakfur bihi sahibu. C'est celui qui est utilisé sans isti'ana min ash-shayatin. Celui qui est fait sans isti'ana min ash-shayatin. Que ce yani comme celui mathalan qui utilise certains médicaments qui ont une influence sur le comportement d'une personne sans céder pour cela pour des shayatin, fahada la yajuz. Fahada c'est min al-aziyah, c'est le fait de faire du tort à son frère, fahada la yajuz. Wa qala subhanahu wa ta'ala wal ladhina yu'dhuna al-mu'minina wal mu'minat bighayri ma iktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Que celui qui fait du tort à ses frères et ses sœurs bighayri ma iktasabu, alors qu'ils n'ont rien fait, faqad ihtamala buhtana wa ithman mubina, ils ont fait un péché qui est wadih jiddan. فالسحر الذي ليس باستعانة من الشياطين هذا فسوف يبقي دكبائر قم لأيذو كالإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه السحر كوكي لنسوى سن كبيرة ensuite cette كبيرة peut faire sortir l'islam si jamais il cède des شياطين et elle ne peut pas le faire sortir l'islam si jamais il n'utilise pas فيه شياطين. C'est pour ça que tu vois maintenant الشافعي dit que السحر لا يكفر. L'intention par cela, celui qui n'utilise pas Shayatin. Parce qu'il y a eu des personnes qui ont mal compris hein, la parole de Shafi'i. Ils ont dit Shafi'i voit que As-Sahir est la yakfur. Là, tous ils voient que As-Sahir c'est un kafir. Celui qui utilise Shayatin. Mais celui qui n'utilise pas, c'est pas un kafir. Ensuite, le sihr, il y a deux aspects. Il y a Al-Takhyili ou Al-Hakiki. Al-Hakiki, c'est celui qui a un ta'thir et un mubashir, qui fait réagir une personne d'une autre manière et l'akhirihi. Comme c'est arrivé au prophète sallam. Yani suhara nabi sallam hatta kana yukhayyal ilayhi annahu yafhal ashiya wa la yafhalu. Comme fi sahih. Un nabi sallam, il a été ensorcelé jusqu'au point où ce sihr là lui laissait penser qu'il faisait des choses qu'il n'avait pas fait. Yani qu'ils étaient en rapport avec ad-dunya, pas avec le din. Parce qu'Allah azzawajal l'a préservé par rapport à ça. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé par rapport à cela. Quelles les choses qui sont mondaines? Yani yati ahlahu kama qala ba'duhum. Il pense qu'il a fait le jima', mais il n'a pas fait jima'. Fa hadha c'est un quoi? C'est un sihr qui est haqiqi. C'est-à-dire qu'il y a une influence directement sur quoi? Sur la personne ou sur les choses. Et un sihr qui est quoi? Takhyili. Qui est takhyili, je sais pas comment on pourrait dire ça. Comme مثلا avec Saharat al-Fir'aun. Les sorciers qui étaient avec Pharaon. Ensuite, il y en était Abu Ilallah Azza wa Jal. Lorsqu'ils ont jeté leurs bâtons, c'est devenu des serpents. Lakin, est-ce que c'était des véritables serpents là? Yukhayyalu ilayhim sihrihi annaha tasha. Yani, ça laisse croire, yani, ils arrivent à faire avec des harakats, les shiatin et les aides, ça fait des harakat qui croient que c'est des serpents, mais ce n'est pas des serpents. Ça, c'est taqili. Parce que le. Hein? Voilà. Illusion, voilà. Jazakallah khair, cherchez le mot. C'est une illusion, c'est pas réel. C'est un bâton, c'est pas des serpents. Lakin, par illusion, ils ont pensé que c'était des serpents. Fahada kadalika, ça fait partie du sihr. Il y a sihr qui est haqiqi, qui a une véritable influence, et l'autre qui est quoi? Taqili, illusion. Fait, lequel des deux il est quoi? Il rentre dans le kufr ou pas? On regarde. Si le haqiqi ista'ana bihi bishayatin, c'est du kufr. Si at-takhili ista'ana bihi bishayatin, c'est du kufr aussi. Comme il a évoqué Cheikh l'Islam, que Saharatu Fir'aun, lorsqu'ils ont jeté les bâtons et c'est devenu des serpents, il y en a par illusion, ils se sont aidés des shayatin pour faire cela. Pareil, celui qui fait un tour de magie, comme ceux qui faisaient penser qu'ils faisaient bouger la tour Eiffel, je ne sais plus c'est quel tour de magie, alors que la tour Eiffel elle n'a pas bougé, tu vois. Et l'akhiri, tout ça, yani, c'est clair et net que ça, c'est avec isti'ana min ash-shayatin. Fait, si jamais yasti'an bi-shayatin, ça c'est du kufr. Si jamais la yasti'an bi-shayatin, comme ceux qui font des tours de magie, des passe-passe, et le halama, ils ont dit ça la yajuz. Ça rentre dedans, c'est une sorte de sorcellerie. Dajla, c'est une tromperie. La sorcellerie, c'est une tromperie. C'est une sorte, comme l'a évoqué Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et Cheikh Al-Fawzan, yani, la fatwa, elle est sur net. Il a dit, hada, c'est du riche. Même le simple fait que tu prends une carte, là, tu t'amuses et tout ça, là, tu lui fais penser, tu as la carte, tac, tac, tu fais un tour de magie, et puis et d'un seul coup, tu lui fais sortir la carte derrière les oreilles. C'est connu que c'est pas bistirana min ash-shayatin, yani, c'est tellement sa main, elle est rapide que il te laisse croire que elle est venue derrière ton oreille, tu vois. La kim, ça, c'est la tromperie. La yidou, hada. Man rachana fali sa minna. Celui qui nous trompe, il ne fait pas partie de nous. Fait la sorcellerie, plutôt les tours de magie, hada, la yidou. Parce que هذا يعني en plus une zari' ala as-sihr al-akbar. Pourquoi? Parce que l'un, il va prendre un tour de magie. Ensuite, il veut épater encore plus la galerie, donc il va prendre un autre tour de magie, et après certains tours de magie, tu es obligé de regarder dans certains livres, il y en a qui font sortir de l'islam. Ou dans lesquels tu es obligé de prendre l'istihana bishayatin. Wa tata'allam al-kufr. Donc c'est une zari' ila as-sihr ila al-kufr. Wa ma kana zari'atan ila al-kufr akbar, celui qui fait sortir de l'islam, c'est du kufr asghar. C'est pour ça que les ulama ont dit là il y a juste des tours de magie. Que ce soit un petit tour de magie là, une petite tromperie de coin de rue, ou bien les grands tours qui font y aller dans les cercles et l'akhiri. Fait كل هذا لا يجوز. كل هذا من الغش ولا يجوز. نعم. Lakin on fait le farq entre celui qui kafir ou pas. Cheikh Ibn Baz, lorsqu'ils ont évoqué que certains faisaient des tours de magie un peu, il a même pas cherché à faire des détails. Il a dit si jamais vous le connaissez, vous le prenez et vous le ramenez à Jihad al-Mukhtassa, aux personnes concernées, afin qu'ils les décapitent. Directement. Après, ils ont dit non, mais peut-être que c'est des tours de. Après, il a dit il y a des tours de magie qui sont ma'rouf, dans lesquels on ne prend pas l'aide des shiatin. Et il y en a qui sont ma'rouf, que ça peut être que fait par istirana min ash-shiatin. Il a dit quoi qu'il en soit, vous le prenez, et on va voir son sort. Yani, par rapport à cela, est-ce qu'il doit être tué ou pas? Parce que as-sahir yuqtal. As-sahiru yuqtal. Lakin, les tours de magie, ça ne fait pas partie du sihr. Yanni, ça ressemble, c'est du dajjal, comme ils disent. C'est de la tromperie. C'est du riche. C'est du riche. Fa, as-sahir, celui qui fait bistirana min ash-shayatin, hada yuqtal. Riddatan. Ou ala yustatab. On ne lui demande pas de faire tawbah. Même s'il dit khalas, atoubil Allah, c'est bon, j'arrête. Parce que cette personne-là, Yanni, pour arriver à ce point-là, comme ils ont dit les ulama, c'est rare qu'une personne revienne. Wa innama, lorsqu'il veut, il dit cela, c'est pour sauver sa peau. Et lorsque on a vu les méfaits et le mal qu'il y a dans le sihr, les ulama, sept dal nizari, ils ont dit on doit le tuer, quoi qu'il en soit. Et on le considère comme un apostat. Lakin amruhu ila Allahi azza wa jal. Si jamais vraiment il était sincère dans son repenti, il aurait été tué, yani, haddan. Par une sentence de l'islam, comme celui qui fait zina et qui est marié, on doit le tuer, il a khiri. Il aura fait tawba, lakin, ça c'est sa uquba, c'est-à-dire qu'on doit l'éliminer de la terre. Indallah, c'est pas un kafir, parce que si jamais sa tawba est sahiha, elle est sincère, c'est pas un kafir, indallah, et azawajal, lakin, nahnu, nu'amiluhu, on fait avec lui comme si jamais c'était un kafir. On regarde pas par rapport à la tawba et par rapport à ses prétextes et ses excuses. Parce que haoula, yatala aboun, pour arriver à ce point-là, ils sont obligés de faire des choses qui sont abominables. فهذا هو صحيح. عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى فين فتوى كدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقدقد قال بجالة ابن عبد قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة أن يقتلوا كل ساحر وساحرة de tuer tous les sahirs et les sahiras, les sorciers et les sorcières, de tuer tous les sorciers et sorcières sans faire d'exception, sans dire et de regarder est-ce que on doit regarder si jamais ils ont fait tauba ou pas. Donc ça c'est la parole de Omar et on n'a pas connu un des sahabas qui a quoi qui s'est opposé à cela. Au contraire, il y a des sahaba qui ont yamalou nabi dhalika. Ils prenaient la fatwa de Omar donc ils ajma'u ala dhalika. Wa ma ajma'a ala dhalika sahaba fa huwa hujja. Comme c'est une preuve. Donc, yani, ça c'est sahih. Yani, ikhtalaf ul-ulama. Lakin le sahih c'est que al-sahir yuqtal mahmakan. Quoi qu'il en soit. Riddatan ou haddan. C'est pas notre problème. On doit l'éliminer. Pourquoi? Liannahu yatala'ab al-muslimin. Il joue avec la vie des musulmans. Naam. Et avec la vie des gens. Yani, de manière générale. Ça c'est bil-khalasa, fi sihr. Ala bil-khalasa, fi sihr. Naam. Et inshallah, il y a un tawassu' fi kitab al-tawhid. كتاب التوحيد توسع فيه أكثر إن شاء الله تبارك وتعالى. On va suffire de cela en espérant qu'Inch'Allah c'était clair.